une histoire particulière. J'espère que vous allez bien en ce troisième jour du printemps. C'est le moment où l'on peut commencer à sortir les museaux des terriers et aller nous balader entre deux giboulées. Ce week-end, je vous emmène dans le département des Yvelines. Il s'y trouve un endroit charmant portant le nom de Naufle-le-Château, où César Ritz, le fondateur du célèbre palace, y inventa également le nom d'une liqueur. Le nom seulement, hein, pas la liqueur. Celle-ci, fabriquée à base de cognac et d'orange amère, est historiquement connue pour accompagner notamment les crêpes Suzette. Mais n'allez pas croire que nous allons la déguster. C'est juste une petite mise en bouche avant que Clémence Alzard et François Test ne vous fassent découvrir les autres facettes secrètes de Naufle-le-Château. Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin. Je connais tout. Je connais la place des anciennes portes, tout. Les murs de l'étang, toutes les plantes, la place de toutes les plantes. Même les plantes sauvages, je connais la place. Tout. Les fantômes de Naufle-le-Château. Par Clémence Alzard et François Test. Aujourd'hui, Marguerite de Naufle. Ingrid Terme, vous êtes installée à Naufle-le-Château en 1976. Oui. Comment est-ce que vous avez rencontré Marguerite Duras? Alors, je l'ai rencontrée après les élections municipales de 1977. Je m'étais présentée sur la même liste, la liste d'Union de la Gauche. Et puis, je la croisais tout le temps parce que j'étais sa voisine et elle allait faire ses courses. Je la croisais et elle ne me regardait pas. Et un jour, je lui ai dit « Bonjour Marguerite, je me suis présentée sur la même liste électorale. » Elle m'a dit « Allez, viens, on va aller au Café des Sports et je t'offre un rosé. » Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quand même, il faut savoir qu'au début, il y avait quelqu'un qu'elle connaissait bien, qui était Françoise Spira, la comédienne, qui dirigeait le théâtre de la TD et qui était une amie de Marguerite et qui connaissait, qui avait une maison, qui elle avait déjà une maison à Naufle. Alors Marguerite a acheté aussi la maison à Naufle et elles ont convaincu toutes les deux, Marguerite et Spira, elles ont convaincu Michel Monceau d'acheter aussi une maison à Naufle. Et c'est comme ça que Michel Monceau a eu aussi sa maison et c'est devenu une des meilleures amies de Marguerite à ce moment-là. J'aime pas ma voix, je trouve que ma voix est juste. Elle n'est pas belle, ma voix. Les gens disent qu'elle est belle, elle est rien du tout. Elle n'est pas fausse. À moins d'une trentaine de kilomètres de Paris, un village des Yvelines, calme et bourgeois, comme perché sur un promontoire. Pas de château à Naufle, c'est la bourgade en elle-même qui domine la plaine. C'est ici, non loin du petit clocher médiéval de la place des Herbes, non loin aussi des fabriques de Grand Marnier, fierté locale délocalisée, que Marguerite Duras s'installe en 1958. Elle acquiert une vaste demeure à l'entrée du village. Duras, sentinelle, gardienne d'une bâtisse entourée alors par la nature et le silence. À part vers 16 heures, quand les mômes sortent de l'école. Visez le château d'eau et en face, à ses pieds, vous verrez la maison, sa maison, à elle, enfin. J'ai jamais compris pourquoi elle est devenue si amie avec moi. Jamais, jamais. Parce que j'étais jeune, elle avait 60 ans, et elle avait vraiment une grande tendresse et une vraie amitié pour moi. Ça m'a toujours étonnée. Parce que j'étais pas une fan. Et je pense que c'est ça qui l'a attirée vers moi, c'est que j'ai été vers elle, comme ça, sans avis sur elle. Et alors, elle m'a aimée. Et vous êtes vue souvent? Oui. Oui, à chaque fois qu'elle était là, on se voyait. Tous les soirs, elle m'appelait. Et puis on allait soit au Café des Sports, soit on partait en voiture. vers Chartres, elle me montrait la campagne, ou alors on allait faire des courses à Montfort-la-Maurie, ou même l'après-midi on faisait de la couture, on faisait des choses que personne ne pouvait savoir qu'on allait faire avec Marguerite. Elle aimait beaucoup Naufle. Mais surtout la campagne aux alentours, vers Montfort-la-Maurie, elle regardait toujours la campagne avec ses yeux. Elle m'apportait le regard du poète, que je n'avais pas forcément puisque j'étais jeune, et puis je ne regardais pas de la même manière qu'elle. Est-ce que on va voir la maison de Marguerite ? Oui. Jean-Marc Turing, vous avez beaucoup travaillé avec Marguerite Duras. La première collaboration, c'était pour Jaune le Soleil. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allé à Naufle-Château ? Mon souvenir, c'est l'arrivée à Naufle en 1971. Il faisait un froid de canard, c'était l'hiver, c'était en janvier. Et je suis arrivé un vendredi. Le tournage de Jaune le Soleil devait commencer le lundi, donc j'ai passé 3 jours avec Marguerite Duras, comme ça, sans avoir connu jamais, jamais vu. Et j'y suis arrivé par le biais de Delphine Seyrig, que j'avais rencontrée à Bruxelles sur un tournage. Et voilà, j'ai découvert cette maison dans laquelle on avait l'impression de se perdre, parce qu'elle est très large. Elle n'est pas profonde, mais elle est très large. Elle avait acheté cette maison grâce à la vente de ses droits d'auteur du roman Le barrage contre le Pacifique. Mais c'était son projet, ça, d'en faire sa maison. Elle n'avait jamais eu une maison, puisque depuis qu'elle était rentrée du Vietnam, enfin de l'Indochine à l'époque, elle n'avait jamais eu de maison. Elle louait des appartements à Paris, et non surtout à Paris. Et donc, elle avait ce désir, je pense, d'avoir une maison à elle, comme elle en avait une avec sa vieille de famille en Indochine. Moi, j'ai découvert la maison avec ça. C'est que j'en avais une quand même en Dordogne quand j'avais 6 ans. Et que ma mère a vendu. Il faut vous dire que j'étais fille de fonctionnaire. Et que pendant toute mon enfance, je n'ai fait que changer de lieu. Et c'est la première fois que j'ai une maison à moi. Mais c'est un petit peu comme si j'y étais née quand même ici. Michel Porte a réalisé un film intitulé « Les lieux de Marguerite Duras » dans lequel elle s'entretient longuement avec l'écrivaine. En lisant ses livres, je me disais il y a une manière de l'approcher qui m'intéresserait. Je trouvais très important les lieux. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit « Marguerite, je voudrais faire un portrait de vous, mais je voudrais faire un portrait à partir des lieux. » Mais ça lui a beaucoup plu. Elle m'a dit « Ah oui, d'accord, moi je veux bien. » Évidemment, dans votre film, Naufle occupe une place tout à fait centrale, toute la première partie. Oui. Ça, c'était une évidence dès le départ que cette maison de Naufle allait... Oui, parce que Trouville, c'est un lieu, mais l'appartement lui-même de Trouville, c'est un tout petit appartement, vous êtes dans les Roches Noires. Cette situation qui est magnifique au bord de la mer, mais son lieu d'écriture, vraiment, là où elle se sentait le mieux, c'est Naufle. Elle aimait bien être là-bas. Beaucoup de vos films se passent dans une maison coupée de l'extérieur. Ici, oui. Dans cette maison. J'aurais jamais cru qu'un lieu pouvait avoir cette puissance, cette force-là. Toutes les femmes de mes livres ont habité cette maison. Toutes. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Elle dit, notamment dans votre film, il n'y a que les femmes qui habitent les maisons. Oui, mais ça, c'était son idée à elle, c'est que c'est elle qui avait fait cette maison à elle. Et puis ce personnage, qui était, par exemple, dans les Granger, ces deux femmes, elle les a mises à Naufle. C'est pas par hasard, elles étaient à Naufle. À propos du film Nathalie Granger, vous avez dit « Ce que je vois avant tout dans Nathalie Granger, avant le film, c'est la maison ». Oui, c'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. Vous voyez, c'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. Moi, je crois que c'est un périmètre clos sur autre chose que ça aussi. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. Toutes les humeurs suicidaires. Mais c'était drôle parce que quand quelqu'un venait, je pense par exemple Toscan du Pentier, qui était quand même quelqu'un d'assez mondain, alors elle faisait visiter sa maison, puis elle montrait des trucs au mur, mais c'était tout des trucs de 4 sous qu'elle a payé 4 sous au puce de vente. Elle montrait ça, que elle aurait montré un Picasso, un Renoir, enfin c'était sa collection, elle, c'est des petites bricoles qu'elle achetait un peu partout, quoi. C'était un éblouissement d'entrer dans cette maison. Vous arrivez pour la première fois dans cette maison, Jean-Marc Turine, vous êtes tout jeune. Vous faites. Je suis un gamin. Moi, j'ai 25 ans. Et après ça, quand j'ai encore vécu avec elle de temps en temps à Naufle, entre autres lorsqu'on faisait l'écriture du scénario du film Les Enfants, en 83-84. Et qu'elle-même, parallèlement, écrivait L'Amant. C'est à Naufle qu'elle a achevé le manuscrit de L'Amant. Et donc Marguerite avait à l'étage une chambre, et pour terminer ce roman, les pages ne s'y retrouvaient pas dans la comptabilité des pages, parce qu'elle travaillait d'une manière très maniaque, elle déchirait, elle recollait, elle mettait en haut, etc. Donc c'était difficile. Et alors du coup, c'était la table de la salle à manger qui avait été investie par tout le manuscrit. Elle occupait pendant ce temps-là de travail, elle occupait tout. Là, Ingrid, on est devant la maison de Marguerite Duras, cette fameuse maison où toutes les femmes de ses livres auraient habité. Vous la connaissez bien, alors, cette maison? Oui. Vous alliez nourrir les oiseaux, entre autres? Oui. Et puis, surtout, passer des après-midi avec Marguerite quand elle était à Naufle. Alors, quelquefois, on faisait même de la couture, parce que Marguerite faisait toutes ses jupes avec son tissu à carreaux blancs et noirs. Et bon, on mettait la machine, là, sur le côté. On parlait. Vous parliez voilà. De quoi? On parlait des enfants, on parlait de ce qu'elle allait faire, on parlait de comme on parle. Est-ce qu'elle s'y sentait seule parfois dans cette maison? Oui. Oui, c'est pour ça qu'elle me demandait de venir sûrement. Elle devait se sentir seule. Parce qu'à cette période-là, c'était une période où elle était souvent à Naufle. Elle ne devait pas être très très bien. Donc elle cherchait à vivre à Naufle avec des gens de Naufle. Parce qu'elle n'avait pas très envie de retourner à Paris. Les enfants, comme ils allaient à l'école juste en face. Donc j'allais les chercher, après on pouvait aller goûter chez Marguerite, et puis il y avait le parc, donc on pouvait jouer dans le parc. Mais ça c'était parce que c'était les vacances, moi j'avais écrit une petite lettre, alors j'ai cru comprendre qu'elle répondait jamais aux cartes postales, mais moi elle a répondu, elle a dit « j'ai reçu votre carte postale et celle d'Ingrid, c'était bien beau à lire ». Bonjour Julien, bonjour Cécile. J'ai trouvé une toute petite enveloppe. Alors je me suis dit, je vais envoyer une lettre à Julien et à Cécile pour leur dire bonjour, que je les aimais beaucoup et je vais la mettre dans cette petite enveloppe. Et on verra bien si elle va arriver. Allons, alors à bientôt. Je travaille beaucoup, tout le temps. Et j'aurais bien envie une fois de prendre un vin rosé avec Ingrid pendant que vous faites une partie de baby-foot. Marguerite. Ici, c'est le jardin. Ça, si je me souviens bien, ce sont des photos qui datent des années 92-93, quand elle passait de temps en temps à la maison, quand on travaillait, Luta et moi. Vous dites le jardin, Jean-Marc Turine, mais c'est le parc. Ça, c'est la folie grandeur de Marguerite. C'est un jardin. Faut pas exagérer, c'est pas un parc. Voilà, ça c'est très beau parce que c'est là qu'elle travaillait à Naufle. C'est sa table. Son petit lit et sa table et le jardin qui est là. Et moi, quand j'ai connu Naufle, c'était ça. L'hiver. L'hiver. le lac, je ne sais plus s'il était joli, mais il faisait très très froid. Le lac. Enfin, les temps, plutôt, s'il ne faut pas. Je tombe dans la folie et la mégalomanie de Duras. Non, ça, c'est pas un lac, c'est un étang. Voilà. Moi, j'avais une chambre au premier étage. Et quand je sortais de ma chambre, il y avait l'escalier qui descendait. Et là, il y avait un grand placard. Et c'est là qu'il y avait tous ces manuscrits. Après, quand elle a raconté qu'elle avait retrouvé le manuscrit de La Douleur, et qu'elle avait perdu de vue, mais il était dans ce placard. Et souvent, j'y pense, je me dis, je dormais tranquillement là. Si j'avais su, j'aurais regardé dans le placard, j'aurais lu les manuscrits. Elle gardait tout ça en vrac, comme ça, dans ce placard bleu. Marguerite, elle cuisinait tous les jours pour tout le monde. Elle adorait cuisiner. Et puis, alors, elle avait sa liste de produits qu'il faut toujours avoir chez soi. Alors, du sel, du poivre, du sucre, du café, des cristaux de lessive, de l'Ajax, des éponges, des plombs pour l'électricité, du Chatterton, des cigarettes, des cristaux, de la lessive maison, de la Javel, du scotch. Toi qui me... Des ampoules, parle du Yorkman, du Nescafé, du Gros Sel, du Ronron, de son chat, corps effacé, des beurres, lait, ail, oignon, vinaigre, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir-mort. Quand Marguerite cessait de travailler sur un livre ou avait fini un film, et c'était un creux pour elle, hein. Alors comme c'est quelqu'un de très actif, elle a souvent lancé dans des travaux sur la maison. Et notamment, elle peignait tout. Il y avait une époque, c'était le rose. Alors tout était devenu rose, les bordes-fenêtres, c'était un peu étrange, quoi. Les bordes-fenêtres sur le jardin étaient roses, le frigo était rose, la cuisine, peignait tout en rose. Alors j'aime beau lui dire, Marguerite, quand même, ce rose, ça fait « Ah ben si, j'aime beaucoup » et tout. Et puis la fois d'après, c'était vert, c'était mieux, c'était redevenu plus normal, quoi. Et tout était peint en vert, ouais. Alors j'étais très très active dans ces cas-là. C'est à force de regarder le jardin, là. Par la porte là, que j'ai fait Nathalie Granger. Nathalie Granger, pour moi, c'est ça. C'est cette transparence-là, la transparence de la pièce en général. On croit toujours qu'il faut partir d'une histoire pour faire du cinéma, c'est pas vrai. Nathalie Granger, je suis complètement partie de la maison. Vraiment, tout à fait. J'avais la maison dans la tête, constamment, constamment. Puis ensuite, une histoire est venue s'y loger, vous voyez. Mais la maison, c'était déjà du cinéma. C'est très bien de rappeler les tournages, parce que non seulement il y a eu Jaune le soleil, mais il y a eu après ça Nathalie Granger, tout le film est tourné dans la maison. Il y a eu des entretiens, enfin non, dans le film Le Camion, c'est Gérard Depardieu qui occupe ce fameux salon avec la grande baie vitrée au premier étage. Elle a filmé également des plans dans ce même salon, pour son film « Son nom de Venise » dans Calcutta désert, en 76 ou 77. Et donc, oui, Marguerite n'avait pas besoin d'aller au Vietnam pour filmer l'Asie, quoi. Elle filmait l'Asie à Nauphle, elle vivait, c'était son imaginaire suffisait, elle n'avait pas besoin d'avoir la réalité de l'image. Et donc, oui, c'est vrai, c'est très juste de dire que, et de rappeler qu'elle aimait beaucoup, de nouveau, mettre en valeur cette maison qui était la sienne. Et ces moments de tournage avec tous ces gens, ces dizaines de personnes qui habitent cette maison, ce sont des moments de fête aussi. Alors, c'était des grandes fêtes, des discussions. J'étais 3-4 heures du matin, ça buvait beaucoup, ça rigolait, ça se bagarrait aussi, ça s'invectivait. Mais c'était un moment de grande convivialité. Vous diriez, Ingrid Terme, que cette maison, c'était une maison ouverte. Oui. Aux autres, aux Naufléens. Alors, à une certaine période, elle a ouvert aux Naufléens, parce que comme elle allait beaucoup au café, et donc elle rencontrait des gens, et puis comme elle était toute seule, elle voulait inviter des gens, donc Oui, elle avait ouvert sa maison à certaines personnes, mais c'était toujours des gens qui fréquentaient les cafés. Et puis c'était Marguerite, pas la Marguerite écrivain, c'est la Marguerite proche de nous. Et puis qu'elle se vous prenne en amitié, c'est quelque chose qui vous gratifie, qui vous permet d'avancer aussi, qui vous permet de rencontrer d'autres personnes. Elle était très très généreuse avec moi. Vous avez été privilégiée peut-être de ce oui. point de vue. Oui, j'ai été privilégiée. C'est étonnant comme cette maison et autour de cette maison, il semble qu'il y ait autant de thèmes durassiens aussi. Il y a l'enfance, puisqu'il y a l'école l'enfant, pas oui, très loin. De l'école, oui. On entend d'ailleurs dans oui, votre oui, film. Oui, oui. Elle dit ça passe les mômes. Et oui, parce que c'était un cours de récréation en face. Puis la forêt aussi. La forêt, c'était juste tout près de chez elle, la forêt. Puis un souvenir que j'ai aussi, c'est Ramona. Marguerite a une chatte qui s'appelait Ramona. C'est une très jolie petite chatte noire. Et c'était le dernier animal qu'elle ait eu. Puisque cette chatte, souvent Marguerite revenait le vendredi pour passer le week-end à Nauphle. Et donc, vers le vendredi soir, il y avait sa voiture, l'auto. On ne disait jamais une voiture, c'était l'auto. C'est une grosse Renault qu'elle conduisait. Bon, elle était toute petite avec son volant, elle disparaissait derrière le volant. Et la chatte l'attendait. Elle avait l'habitude, elle connaissait le bruit de cette voiture. Donc elle sortait, elle attendait Marguerite le vendredi soir. Et un vendredi soir, la chatte a attendu Marguerite et il y a une auto, la même probablement que celle de Marguerite, qui l'a écrasée. Et ça a été, Marguerite a eu un choc terrible. Elle était très, très, très malheureuse de la mort de Ramona. Et elle n'a plus voulu de chat. Quand on est une jeune femme avec des enfants, et c'est le centre, qu'est-ce qu'on fait? Et on va au marché, et puis après, on va au café. Parce que sinon, on s'ennuie. On va au café. Et puis on rencontre Marguerite Duras. Au Café des Sports. Au Café des Sports. Où on se donne rendez-vous au Café des Sports le soir pour boire l'apéritif, aux heures tristes de Marguerite, 18h30. Entre chien et loup, Marguerite est triste. Il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle aille au Café des Sports. Vous l'avez croisée, vous, déjà? J'ai même pris un pot avec elle. Elle aimait beaucoup le whisky. Alors, on allait au Café des Sports et c'était intéressant parce qu'elle elle m'a dit qu'elle avait fait des études de maths, c'était une matheuse, elle a dû faire maths sup et comme elle savait que j'étais ingénieur, donc elle m'a dit, moi je suis une matheuse aussi. Voilà. Mais elle n'a pas réussi tellement dans le domaine des mathématiques. Hein. Elle était sympathique, vous avez un bon souvenir de ce moment? Oui. Oui, parce que pourquoi elle s'intéressait à moi, quoi, je me suis demandé. Hein, j'étais un kidam pour elle. Et ben, quand même, on avait l'impression qu'elle était, comment dirais-je, qu'elle avait de l'empathie pour les gens. Quoi. On est au Café des Sports, donc, centre-ville de Nauphle-Château, un endroit que vous avez beaucoup fréquenté, Ingrid Thermes, avec Marguerite Duras. Oui. Alors, il y a un portrait de Marguerite Duras ici. C'est pas la Marguerite que je connais. Moi, c'est la Marguerite qui a 63 ans, qui passe beaucoup de temps à Nauphle. Celle-là, c'est la Marguerite jeune qui est connue. C'est la Marguerite qui va pas à Nauphle. Ça vous étonne qu'il y ait un cliché d'elle ici? Pas trop, puisqu'elle a tellement... Pendant un moment, elle est quand même beaucoup venue. Et puis quand même, c'est Marguerite de Nauphle. Donc c'est la vedette de Nauphle. Donc elle a sa place ici au Café des Sports. Un peu cachée quand même. Un peu cachée quand même, oui. Alors le midi, quand il faisait beau, on se mettait sur la terrasse, le jour du marché, Et puis on prenait l'apéritif, Marguerite du vin rosé, et puis on restait, et puis Marguerite se mettait à chanter. On chantait, on était gays, c'était vraiment bien. C'était que de la gaieté, il n'y avait pas de violence. Et qu'est-ce qu'elle chantait alors ? Elle chantait des chansons d'Edith Piaf, elle chantait surtout ça, et puis elle racontait des histoires. On riait beaucoup. Françoise Cargemel, à Nofle, sur Marguerite Duras, il reste un portrait au Café des Sports. Il reste bien sûr cette maison, mais dans laquelle on ne peut pas forcément rentrer. Évidemment, elle est habitée par le fils de Marguerite Duras, Jean Mascolo. Qu'est-ce qui reste d'autre selon vous ? Oui, c'est la question qu'on s'est posée avec mon époux quand nous sommes arrivés en 2008, donc il y a une dizaine d'années. Nous, on venait quand même à Nofle en se disant, on va venir habiter chez Marguerite Duras, surtout mon mari qui l'a plus lu que moi. Ça a été quand même une déception en arrivant de se dire, mais il n'y a rien. Il n'y a pas une place, il n'y a pas une rue. Alors, il y a une petite résidence au fond du bois qui porte le nom Résidence Marguerite Duras sur quelques immeubles. Et c'est tout. Elle n'est pas vivante à Nofle-Château. Voilà. Alors vous avez voulu justement faire vivre ou revivre cette mémoire de Marguerite de Nofle. C'est le nom d'un week-end, un festival c'est que vous avez organisé. Oui. C'était en 2016. En septembre 2016, oui. Donc à l'époque, donc j'étais bénévole au syndicat d'initiative de Nofle et ça me paraissait la moindre des choses de lui rendre au moins une fois un hommage dans la ville dans laquelle elle a habité une quarantaine d'années. Non, c'est une maison qui a une âme. Mais l'âme, c'est celle de Duras, ça c'est sûr. Parce que c'est la même âme qu'avait rue Saint-Benoît. D'un espace à l'autre, on reconnaît sa patte, quoi. C'est Duras, il n'y a pas de doute. Avec des objets, des hétéroclites, quoi. On avait une passion pour les lampes. Donc, dans un petit salon, il y a pu y avoir 6-7 lampes. Mais toujours avec des lampes de faible intensité, de façon à mettre des points de lumière et pas un éclat de lumière. Et dans toutes les pièces, c'est pareil. Dans toutes les pièces de la maison de Nofle, il y a autant de lampes comme ça. C'est des petites lampes d'applique au mur. Et puis... Mais tout est dans petit, comme ça, comme si c'était comme elle-même. Quoi. C'est pas. Oui, il y avait une âme. Ça, indéniablement. Duras disait, c'est pour ça qu'on a repris ce nom, parce qu'elle disait, je suis Marguerite de Nofle. C'est elle qui le disait. Et quand je réfléchis, moi, un petit peu, je me dis qu'au fond, Nofle, c'était sa maison. Ou sa maison était Nofle. Mais je ne suis pas sûre que ça aille beaucoup plus loin que ça. Et parce que sa maison, vous l'avez vue. Vous avez tourné, ben, comme tout le monde. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rentrer dedans, mais comme beaucoup de gens, on tourne autour. C'est un peu comme une forteresse. On tire le coup pour essayer de voir du côté de la mare, on tire le coup pour essayer de voir au-dessus du portail et on ne voit rien, elle est fermée. Il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de heurtoir, on ne peut pas rentrer dans cette maison. Et combien de Durassiens sont tristes et déçus de ne pas pouvoir rentrer dans cette maison qui est un peu comme un temple. Alors moi, ça m'a fait la même impression. Je me suis assise à la table de la cuisine de Marie. Vous voyez, on est dans toutes ces... Parce que je pense que Jean, son fils, l'entretient aussi. Il n'a rien touché, tout est dans l'état. Et on rentre, voilà, dans la maison de Duras. Et au fond, on n'est plus à Nofle. On est chez Marguerite Duras, on n'est plus à Nofle. On n'est pas à Nofle, d'ailleurs. C'était Marguerite de Nofle avec Ingrid Terme, Jean-Marc Turine, Michel Porte, Serge Brié et Françoise Cargemel. Extrait du film « Les lieux de Marguerite Duras » de Michel Porte. Coordination, Christine Bernard, un documentaire de Clémence Alzard et François Test. C'est la fin du premier épisode. Je vous retrouve demain pour le second volet mystérieux de Nofle-le-Château.